avait une fois, dans un certain royaume, une très douce et très jolie reine qui habitait dans un merveilleux château. Cette année-là, la reine attendait un enfant. Toute la famille et son roi de mari se réjouissaient de cet heureux événement. Quoi de plus naturel ? L'arrivée d'un enfant est toujours un événement dans une famille unie. Tout commença un jour où, brodant devant la fenêtre, la reine se piqua le doigt avec une épingle. Aïe ! Quelques gouttes de sang tombèrent sur son ouvrage. Elle en fut très contrariée. Oh, comme je voudrais que l'enfant que j'attends soit une belle petite fille, et que sa peau soit aussi blanche que cette neige, et que ses lèvres soient aussi rouges que ce sang. Quelques semaines plus tard, la reine mit au monde une délicieuse petite fille, dont la peau était en effet blanche comme neige et dont les lèvres s'approchaient de la couleur de rose rouge. Ce fut sans doute en souvenir de ce jour de neige où sa maman s'était piqué le doigt et avait fait ce vœu qu'elle la nomma Blanche-Neige. Hélas, la douce reine mourut peu de jours après la naissance de son enfant adoré et le roi, le papa de Blanche-Neige, se remaria quelques années plus tard avec une autre princesse, très belle elle aussi, mais très méchante et très vaniteuse. Celle-ci ne supportait pas qu'une autre femme pût être plus jolie qu'elle. Il faut vous dire que cette nouvelle reine avait quelques dons cachés. En effet, elle était un peu sorcière et possédait un miroir magique qu'elle consultait tous les matins. Miroir, de toutes les belles femmes ou filles de ce pays, quelle est toujours la plus belle ? C'est toi, ô reine, c'est toi. C'est ainsi que répondait toujours le miroir. Mais un jour, alors que Blanche-Neige venait d'atteindre l'âge de 15 ans et qu'elle était devenue une superbe jeune fille, pour la première fois, le miroir fit une autre réponse à la reine. Ma reine, hélas pour vous, désormais Blanche-Neige de toutes est la plus belle. Oui, de tout le royaume. Votre belle-fille est la plus belle. Sur sa vie, les dés étaient bien jetés. À sa naissance, sa beauté reflétait toute l'absence de cette jolie maman qui avait mis au monde si bel enfant. Mais rien n'était simple à la cour du roi. La nouvelle reine se donnait tous les droits. Et parmi les belles, elle était celle qui ne supportait pas qu'une autre étincelle. Miroir, suis-je la plus belle? Miroir de toutes les belles, dites-moi que je suis la plus belle. Mais un jour, retour à Ré-sur-Image, Blanche-Neige était la belle du voisinage. Comment survivre à cet ignoble affront? Qu'elle disparaisse à jamais de la maison! Miroir, suis-je la plus belle? Miroir de toutes les belles, dites-moi que je suis la plus belle! La reine se mit dans une rage folle. Elle brisa un vase qui se trouvait sur sa commode, renversa sa chaise et se mit à hurler. Blanche-Neige ? Mais de quel droit ? Elle est tout juste bonne à travailler dans la cuisine et à faire le ménage. Cette fille est une vraie laideur. Attends un peu, miroir. Je vais m'occuper d'elle, tu vas voir. De ce jour-là, la reine se mit à haïr Blanche-Neige et à lui faire subir toutes sortes d'humiliations. Elle lui fit faire tous les travaux de ménage, les plus pénibles et les plus salissants, lui interdisant de se laver et ne lui donnant que de la toile à sac pour s'habiller, tout cela pour l'enlaidir, mais rien n'y faisait. Blanche-Neige, malgré les haillons qu'elle devait porter, restait magnifique et radieuse. Folle de rage, son horrible belle-mère décida de se débarrasser définitivement d'elle. Elle fit venir un bûcheron et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige au plus profond de la forêt pour la faire disparaître à jamais en la perdant parmi des milliers d'arbres. Elle était certaine que jamais la jeune fille ne retrouverait son chemin. « Et pour me prouver que tu as obéi à mes ordres, tu lui arracheras le cœur et tu me le rapporteras. Oh. Le bûcheron amena donc Blanche-Neige au plus profond de l'épaisse forêt qui bordait la région. Alors, tirant son grand couteau, il s'apprêta à la frapper en plein cœur. Mais à cet instant, Blanche-Neige comprit le guet-apens dont elle avait été victime. Effrayée, elle se mit à pleurer. Elle était si belle, même en pleurant, que le bûcheron en fut tout ému et se mit à pleurer lui aussi et ne put supporter de faire du mal à une aussi jolie jeune fille. Vite, Blanche-Neige, si vous tenez à la vie, courez. Éloignez-vous le plus possible du palais et ne revenez jamais. Je dirai que je vous ai tué et l'affaire sera faite. On peut être un bon bûcheron, répondre aux ordres des supérieurs, mais ce n'est pas une raison aux petites filles de leur faire peur. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige aurait disparu. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige était perdue. On peut être musclé comme Tarzan, en décuplant beaucoup de force. Ce n'est pas pour ça pour autant que rien ne bat dessous l'écorce. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige aurait disparu. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige était perdue. Blanche-Neige eut beaucoup de chance de tomber sur cet homme de cœur qu'il aimait de toute évidence plus que sa reine de malheur. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige aurait disparu. Sans cet embout de salut, Blanche-Neige était perdue. Alors Blanche-Neige s'enfuit en courant de plus en plus vite dans les sous-bois obscurs de la forêt. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle courait vers son salut. Avant de rentrer au château, le bûcheron tua une petite biche, lui arracha le cœur et le rapporta à la reine en lui faisant croire que c'était celui de Blanche-Neige. « Désormais, de tout le royaume, la plus belle, c'est moi !» Cependant, Blanche-Neige s'enfonçait de plus en plus loin dans la forêt. Épuisée de fatigue, tout écorchée par les ronces, elle arriva enfin dans une clairière qui abritait une drôle de petite maison, absolument ravissante. Pas très rassurée, elle s'approcha, frappa à la porte, et comme personne ne répondait et que la porte n'était pas fermée à clé, elle entra. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur l'étonna beaucoup. Tous les meubles étaient minuscules, comme pour des enfants. Une table était mise avec 7 couverts, de toutes petites assiettes, de tout petits gobelets, de tout petits tabourets. Et il y avait aussi 7 petits lits. Épuisée par ses émotions et sa fuite à travers les bois, elle se sentit à bout de force. Elle était si fatiguée. Oh, je pense que je ne dérangerai personne si je me repose ici pendant quelques instants. Oh, mais que ces lits sont petits! Elle choisit pourtant le plus grand des 7 lits, s'y installa et ne tarda pas à s'endormir. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette maison était la maison des 7 nains. Oui, 7 nains qui étaient frères et travaillaient dans une mine dans la montagne voisine pour en extraire de l'or. Ce soir-là, comme tous les soirs, leur journée terminée, ils rentraient de leur mine en chantant, leurs outils sur l'épaule. Ils entrèrent dans leur petite maison, sans remarquer, dans un premier temps, la jeune fille qui dormait à poing fermé sur l'un des lits. Oui, pourquoi t'es-tu arrêté? Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un est en train de dormir dans mon lit. Oh, oh, oh, c'est une jeune fille. Oh, oh, oh, oh, comme elle est jolie. Oh. Ils l'observèrent un moment. Comme elle était belle. Jamais ils n'avaient vu une aussi belle créature, eux qui vivaient seuls dans la forêt. Tous émus de la beauté de cette jeune fille et comprenant qu'elle devait avoir trouvé refuge chez eux parce qu'elle était fatiguée, les nains décidèrent de la laisser dormir. Sans faire le moindre bruit, ils dînèrent en faisant bien attention de ne pas faire cliquer la vaisselle et allèrent se coucher sur la pointe des pieds. Cédric, lui, dut se coucher par terre puisque Blanche-Neige occupait son lit. Mais il était tout heureux et fier de faire pour la première fois de sa vie un petit sacrifice. Le lendemain matin, quand Blanche-Neige s'éveilla, elle trouva 7 petits bonshommes autour d'elle qui la regardaient avec de bons gros yeux tout ronds. Où suis-je? Et qui êtes-vous? Au hasard des chemins tombant de fatigue, la belle trouva enfin la maison prodigue. C'était celle des 7 nains, bûcherons de leur état, qui lui tendirent la main dans la plus grande joie. Pour cela, elle devrait coudre, laver, tricoter, repasser, nettoyer. Et surtout cuisiner. Il neige sur Blanche-Neige comme un dimanche. Sur les 7 jours de la semaine, il neige, où son bonheur se promène. Sur Blanche-Neige et ses capitaines, il neige. C'était un vrai bonheur, ces 7 chérubins. Mais elle avait si peur qu'on frappe à son destin. Et sous les interdictions, elle restait enfermée dans cette petite maison. Que les nains adoraient. Pour cela, elle devrait coudre, laver, tricoter, repasser, nettoyer et surtout cuisiner. Il neige sur Blanche-Neige comme un dimanche. Sur les 7 jours de la semaine, il neige, où son bonheur se promène. Sur Blanche-Neige. Je m'appelle Blanche-Neige. Puis elle se mit à raconter toute sa terrible histoire. Les nains en eurent les larmes aux yeux. Jamais ils n'avaient entendu une histoire aussi triste. Oh, j'ai une idée. Si tu veux, tu peux rester ici. Tu t'occuperas de notre maison et tu seras en sécurité. Tu sais, nous travaillons toute la journée et ici, nous ne sommes pas très doués pour les tâches du ménage. Oui. Nous, on t'aimera bien, tu sais. Oui. On t'aimera bien. Blanche-Neige, elle aussi, se mit à rire de bon cœur. Elle était soudain si heureuse d'avoir trouvé 7 nouveaux amis. Oh, comme vous êtes gentils. Je vous aime déjà très fort, tous les 7. Blanche-Neige et les 7 nains étaient devenus tout de suite les meilleurs copains du monde. Et les 7 nains étaient ravis à l'idée de protéger une aussi jolie jeune fille sous leur modeste toit. Elle restera dans notre maison. Elle restera dans notre maison. Elle restera dans notre maison. Ouais ! Ainsi, leur vie s'organisa. Les 7 nains partaient travailler tous les matins et pendant leur absence, Blanche-Neige mettait la petite maison en ordre et préparait de bons petits plats et de bons gâteaux à ses 7 amis qui étaient tous, il faut bien le dire, très gourmands. Avant de s'en aller, il recommandait bien à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne, de peur que sa méchante belle-mère ne la retrouve et ne lui fasse du mal. C'est qu'en effet, par son miroir magique, la reine avait appris, dès le lendemain de la disparition de Blanche-Neige, que celle-ci était bien vivante et s'était réfugiée chez les sept nains de la montagne. Alors, furieuse d'avoir été jouée, elle décida de la retrouver et de la tuer de ses propres mains. Mais il fallait ruser, afin que personne ne puisse la soupçonner. Elle s'enferma dans une chambre secrète de son palais où elle tenait les fioles, les cornues et les alambics qu'elle utilisait pour la composition de ses potions magiques et maléfiques, puisque vous vous en souvenez, elle était sorcière. Elle se mit à inventer et à composer un poison terrible. Et dans ce poison, elle fit tremper pendant plusieurs jours une belle grosse pomme toute rouge. Puis elle remplit un panier avec d'autres pommes et posa la pomme empoisonnée sur le dessus. Ensuite, elle se déguisa en vieille marchande, sortit subrepticement du palais, marcha des heures dans la forêt, guidée par son fidèle corbeau. Elle arriva enfin à la maison des sept nains et frappa au carreau. Il s'était déjà écoulé quelques semaines depuis que Blanche-Neige était arrivée chez les sept nains. Aussi s'approcha-t-elle sans se méfier. Naturellement, elle ne reconnut pas sa belle-mère. « S'il te plaît, petite fille, achète une pomme à une pauvre vieille femme. » « Ah, effectivement, elles ont l'air délicieuses. J'aurais bien envie d'en goûter une. »« Oh, elles sont toutes belles, mais celle-ci sera la meilleure pour toi. » Je me suis vengée avec cette pomme empoisonnée. Ton règne est terminé. Tu vas dormir pour l'éternité. Oui, c'en est fini de ta beauté. C'est moi qui vais rester la plus jolie femme du royaume. Lorsque les sept nains rentrèrent ce soir-là, ils trouvèrent Blanche-Neige inanimée sur le sol de la maison. Vous dire quel chagrin fut le leur est impossible. Quand ils virent qu'on ne pouvait pas la ranimer, ils la couchèrent sur un lit et la veillèrent pendant 3 jours et 3 nuits. Au moment où ils se résignaient à l'ensevelir, l'un d'eux eut une idée géniale. Elle est beaucoup trop belle pour qu'on l'enterre. Allons la mettre dans un cercueil de verre, pour que tout le monde puisse la voir. Ainsi firent-ils, car ils n'auraient pu supporter de ne plus jamais voir leur belle petite princesse. Et jour après jour, et tour à tour, les nains montèrent la garde dans la clairière autour du cercueil de verre. Qu'ils étaient tristes, nos 7 gentils nains. Les semaines et les mois passèrent. Il y avait là toujours l'un des 7 pour monter la garde devant le cercueil de verre. Un jour, par une belle soirée d'été, un jeune prince, qui avait perdu son chemin, passa à proximité par le plus grand des hasards. Et dès qu'il vit la belle jeune fille, qui était restée aussi fraîche et belle que de son vivant, il descendit de son cheval blanc et s'approcha. Il fut stupéfait de tant de beauté, et sur le champ il en tomba éperdument amoureux. Il remarqua soudain le petit bonhomme qui sommeillait au pied de Blanche-Neige. Il secoua un peu le nain et lui demanda « Oh ! Hé, jeune homme, qui est-elle ?» Surpris dans son sommeil, le nain ne sut que répondre. C'est Blanche-Neige. Comme elle est belle. C'est une femme comme celle-ci que j'aimerais épouser. Ah, c'est impossible, mon prince. Elle est morte depuis déjà bien longtemps. Sans se soucier de ce que venait de lui dire le petit montagnard, le prince souleva le couvercle du cercueil de verre, se pencha sur Blanche-Neige et, délicatement, l'embrassa. Et voilà que le morceau de pomme empoisonné tomba des lèvres de corail de Blanche-Neige et qu'elle se réveilla. Oh, oh. Alertés par le bruit, les six autres nains arrivèrent en courant. Elle est vivante! Elle est vivante! Oh, elle est vivante! Oui! Blanche-Neige est vivante! Oui! Avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, on a fait du bon boulot. Hey ho, hey ho, avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, Blanche-Neige court à nouveau derrière les fourneaux. À cause d'une pomme, les nains la retrouvèrent plongée dans un grand somme jeté par sa belle-mère. Leur peine était si grande qu'ils refusaient sa mort. Que Dieu les entende, qu'on ait pitié de son sort. Ils furent entendus par un prince charmant, d'un baiser qui l'eût cru l'éveilla sur l'instant. Hey ho, hey ho, avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, on a fait du bon boulot. Hey ho, hey ho, avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, Blanche-Neige court à nouveau derrière les fourneaux. La belle était vengée et surtout bien vivante de se voir réveillée et contre toute attente par un si grand bonheur qu'on appelle l'amour, qui fait battre le cœur toujours de jour en jour. Les nains étaient comblés d'être dans le cortège de ce mariage princier de la douce Blanche-Neige. Hey ho, hey ho, avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, on a fait du bon boulot. Hey ho, hey ho, avec nos petits biscottos. Hey ho, hey ho, Blanche-Neige court à nouveau derrière les fourneaux. Hey ho. Oui, Blanche-Neige était vivante. L'amour de ce joli et charmant prince lui avait redonné la vie. Et le fixant dans les yeux, elle le trouva le plus beau du monde. Il la prit dans ses bras et la déposa doucement sur la selle de son cheval, promettant aux sept nains qui pleuraient à chaudes larmes de revenir très bientôt les voir. Il ne fallut pas longtemps pour que Blanche-Neige aime éperdument son prince. Elle accepta de vivre dans son royaume à la seule condition que ses amis, les sept nains, viennent souvent la voir et puissent avoir leur appartement dans le château avec des meubles et des couverts à leur taille. Ainsi fut fait. Et Blanche-Neige épousa le beau prince. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants.